Le globe terrestre. Les continents et les océans. Notre planète a 5 océans. L'océan Atlantique, l'océan Pacifique, l'océan Indien, l'océan Arctique et l'océan Antarctique. Il y a aussi 6 continents. L'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique, l'Océanie et l'Antarctique. Les lignes imaginaires. Pour se repérer sur la Terre, on utilise des lignes imaginaires. L'équateur est une ligne imaginaire qui coupe la Terre en deux parties égales, les hémisphères. Il est considéré le parallèle zéro. Un parallèle est un cercle parallèle à l'équateur. Le cercle polaire à 66 33 de l'équateur et les tropiques à 23 27 sont aussi des parallèles. Un méridien est un demi-cercle qui va d'un pôle à l'autre. On compte les méridiens à partir du méridien de Greenwich, considéré comme le méridien zéro. On peut situer tout point sur la Terre en donnant ses coordonnées, c'est-à-dire sa latitude et sa longitude. On exprime la latitude et la longitude en degrés, minutes et secondes.